cacher mon sperme dans les oreillers. On nous dit que le ciel est né peuplé que de satellites et de météorites. Et si j'envoyais mon sperme dans une fusée? Le résultat pourrait être intéressant. Je croyais que tu le savais en foutre de ma gueule, je sais.